Chapitre 4. 6 semaines après, c'est le droit du compteur de faire ainsi, à travers le temps, de rapides voyages. C'est chez Mathias que Loïc, recueilli par son sauveur, a lentement recouvré la raison que l'émotion trop forte lui avait un instant ravi. Après bien des jours de délire, durant lesquels on désespérait de le sauver, la connaissance de toutes choses est revenue dans son esprit, mais dans son cœur aussi une inguérissable tristesse. Dame Mathurine n'a pas souffert que Jeanne va le voir une seule fois, et ce qu'il n'aurait jamais supposé, Mathias n'a pas cherché à transgresser ce cruel arrêt. Il a paru du même avis que la vieille dame. C'est que, dans ses rêves de malade, le pauvre Loïc avait si souvent répété le nom de Jeanne, et avec de telles tendresses désespérées dans la voix, que le pilote craignait d'avoir compris qu'entre eux, il était quelque tendresse. Jeanne, qu'il voyait tous les jours chez sa tante, semblait cependant tout à fait décidée à tenir sa promesse. Elle avait laissé officiellement demander sa main à Mathurine et regardait celle-ci sans protester le moins du monde, travailler à son trousseau. La jeune fille écoutait les projets de bonheur du vieux pilote sans lui répondre, mais avec un sourire vague sur les lèvres qu'il pouvait prendre pour un consentement. Un jour qu'elle priait au moment où il entra, elle laissa tomber de son livre d'heures une fleur fanée. Mathias se baissa pour la ramasser et pour la lui rendre, mais vivement elle l'avait devancé et jalousement enfoncé la relique dans son corsage. Mais le vieux marin avait vu son mouvement. « Qui vous a donné cette fleur ?» lui demanda-t-il, inquiet sans s'en rendre compte. En fille qui ne sait pas mentir, elle répondit « C'est Loïc. » Et comme un regard d'angoisse avait passé aux yeux du pilote, elle ajouta « Dieu ne défend pas de se souvenir. » Mathias n'insista pas, mais un doute terrible était entré dans son cœur. En reprenant sa place, une heure après, au pied du lit de Loïc convalescent, il dit au jeune homme « Que me répondrais-tu, Loïc, si moi, qui t'ai sauvé la vie, je te demandais quelque chose en retour ?»« Je vous répondrai, Mathias, ma vie est à vous. Disposez-en donc comme il vous plaira. » Après un silence pénible et un tremblement de la voix, le pilote reprit « Je ne t'en demande pas tant, petit. » « Donne-moi seulement ce méchant anneau de cuivre que tu portes toujours au doigt. » Loïc eut un sursaut sur son lit et devint tout pâle. « Ça, jamais » fit-il avec une colère dans le regard. « C'est donc Jeanne qui te l'a donné ?» reprit Mathias d'une voix étouffée de douleur. « Pourquoi me le demander puisque vous le savez ?» répondit Loïc en fermant les yeux, cette émotion ayant épuisé ses forces. Le pilote se leva. Les yeux pleins de larmes, il baisa le front du jeune homme qu'une façon de sommeil rapide avait repris. Il écouta son souffle et s'assura qu'il dormait. « Pardon, » murmura-t-il. Puis, dans un coin de la chambre, devant un crucifix délabré, il s'agenouilla, demanda à Dieu de lui donner courage. Rasséréné, une admirable résignation au front, il coiffa son lourd béret de laine et reprenant le chemin de la maison de Mathurine, qu'il trouva cousant avec frénésie une robe blanche. « Eh bien, le trousseau sera-t-il bientôt prêt ? » dit-il d'une voix presque rude pour vouloir être trop gai. « Vous êtes bien pressé maintenant, maître Mathias, » répondit la vieille. « Pour quand vous le faut-il donc ?» Très simplement, cette fois, sur le ton admirable du sacrifice, le pilote répondit en regardant Jeanne. « Mais pour quand Loïc sera guéri ?» Ainsi s'achève Jeanne d'Armand Sylvestre.